Tu n'es pas bien avec moi, on s'aime. As-tu un doute? Là, ils cherchent des bébites, là. Es-tu belle? Chris, ils finissent par te poser des questions. C'est vrai que tu pètes, puis qu'il n'était pas durable d'une toilette quand tu pètes. Ah, je savais que tu ne m'aimais pas. Ben ouais, écoute, je ne t'aime pas ce bout-là, là, mais le reste, là, c'est passable. Passable ou merveilleux? Bon, ça y est. Donc, merveilleux, mon amour. Bon, là, tu me parles comme fou. Là. Bon, ben, dis-moi donc quoi faire. Là. Mets-moi ta liste de pétantes à dire. C'est ça, c'est le problème de l'amour. Il faut que ça soit exclusif, il faut que ça soit grandiose, il faut que ça soit tout le temps romantique. Tu vas craquer dans la liste. Pas quel doute, là, puis c'est une affaire de lecture, de comment tu vis avec ça, de comment tu traites dans l'action avec ça. C'est l'action qui règle le doute.